2008, je les ai pliés. Vous dire ce qui y est, d'accord avec ça pour le crier. Yeah, je balance un inédit pour appuyer. Personne ne m'a vu venir parce que le canon était scié. Yeah, issu de quartier meurtrier. Ici on est tous cafri et fiers, même les sensiers peuvent t'arracher ton dentier. Évite de te fier aux apparences, un conseil mais fier. Vous, car je suis dans le rap pour torpiller. Kilomètre levé sous pirate dans le rap pour tout payer. Ça les énerve, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire à part les nerveux, mais ça tout le monde peut le faire. Yeah, laisse mon RAP briller. J'écrase ton rap dans le cendrier. Yeah, j'attaque les MC au mortier. Je fais ce qu'il faut pour m'en sortir entier. Yeah, je viens bouleverser les calendriers. De 009, je n'ai pas l'intention de me replier. J'ai le seum, je me débaffe. Je suis revenu à la nage comme un clan d'eau sans ses faves. Yeah, les rappeurs m'avaient oublié. Il me restait une grenade, je l'ai découpillée. Yeah, j'ai du sang sur mon cahier. Yeah, MC meurtrier. Yeah, meurtrier. My nigga. Yeah, oh yeah, my nigga. Je vous porte. Yeah, my nigga. Yeah, yeah, yeah, my nigga. Yeah, meurtrier. My nigga. Yeah, oh yeah, my nigga. Je vous porte. Yeah, my nigga. Yeah, yeah, yeah, my nigga. Ego trip, Renoir aux grosses lèvres. Je direct de la rue. C'est le retour du Renoir foncé. Ego trip, Renoir aux grosses lèvres. Hollywood, négro. Mafia, je t'appelle. Arrête de rapper, ça va déraper. J'suis trop real. Tant de style que je peux faire ça tranquille. Le game est over, my brother. Car je suis over the top depuis l'époque de Deep Cover. Low. Laisse-moi faire ça, poser. On change de level, faut innover et oser. Qui est le boss, qui est l'élève, qui est le prof, qui est le vrai, qui a l'étoffe du king. Je les ai pliés, yeah. Faut dire ce qui est, yeah. Je venu vrai, yeah. Ils étaient tous maquillés, yeah, yeah. Maintenant les MC portent des talons en espérant atteindre le talon de l'étalon. Mais les gros, j'ai mis la barre haute. Je suis un géant, génie, gênant. Y'a du flow dans mon océan comme Jade. Je suis loin devant comme Mary Jane. Et si tu me vois que mon dos, appelle-moi Kerry. Jay, je marche droit, je les observe se tortiller. Ils peuvent porter des lunettes car le soleil se met à briller. Je transperce leurs barbares et brise leurs boucliers. Classique en cascade sur des prods appropriés. Depuis que je rappe sur des gros sons, ils ont mal. Je mets en danger leur transport au profond. Rafale, verbal à la calache. Je rappe sale, je prends le titre et puis je m'arrache. Ratatatatat, c'est de l'attaque de fourgon blindé. C'est le rap viril du vinyle sur CD. Face à l'industrie, je préfère des CD que CD. Je suis signé en major, mais j'ai le mort comme en AD. Yeah, je suis en mode guerrier. Je veux ma place, je suis pas là pour négocier. Je t'ai loué le trône, négro, belle loyer. Il me reste encore des balles dans le barillet. Yeah, yeah, meurtrier. Yeah, my nigga. Yeah, oh yeah, my nigga. Je vous porte. Yeah, yeah, my nigga. Yeah, yeah, yeah, my nigga. Yeah, meurtrier. Yeah, my nigga. Yeah, oh yeah, my nigga. Je vous porte. Yeah, yeah, my nigga. Yeah, yeah, yeah, my nigga. Yeah, meurtrier. Yeah, my nigga. Yeah, oh yeah, my nigga. Je vous porte. Je suis direct de la rue. C'est le retour du Renoir foncé. Ego trip. Renoir aux grosses lèvres. Hollywood, négro. Mafia, tu cabri. Arrête de rapper, ça va déraper. Le mic m'attaque, la récidive au MDC. Le MDC, je m'attraque, même les yeux plissés. Certains vont devoir encaisser, faire semblant d'apprécier. Sous la pression de mes confrères, ma peur bien se faire agresser, je le sais. Sur le mouvement, ma toile, j'ai tissé. Le drapeau bientôt jusqu'au sommet.